attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Il est midi à l'horloge de Radio Campus. Et vous écoutez sur 106,6 MHz ou sur campusclinique.com. Si possible aussi, vous écoutez, dis-je, Angle d'attaque, dans une émission d'Attaque Métropole. Voilà, on se met au point. Attaque, donc A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Pour réaliser cette émission, aux manettes, le maître du temps, Florent, qui nous donnera le tempo, les rendez-vous militants et nous proposera une très belle chanson. René La Science et Christian, une émission donc sans Ludovic ni Louis, pour cause d'indisponibilité, ce jour exceptionnel d'enregistrement de l'émission. En effet, c'est rare, mais ça arrive. L'émission que vous écoutez ce samedi 18 mars a été enregistrée avant-hier, le 16 mars. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? De croissance ou pas, puisque nous avons donné à notre thème du jour le titre interrogatif d'un ouvrage « Faut-il attendre la croissance ?» dont nous recevons aujourd'hui une des deux auteurs, Florence Janicatrice, auteur avec Dominique Méda de l'ouvrage du jour. Bonjour Florence. Bonjour Christian, bonjour Eric. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je précise que Florence est professeure d'économie ici même à Lille. Florence est directrice de la revue française de socio-économie et vice-présidente de l'Association française d'économie politique. On essaiera d'y revenir. Un mot de ce bouquin avant de démarrer l'interview. Si vous n'avez pas lu « Adieu à la croissance » de Jean Gadret, « La mystique de la croissance » de Dominique Méda, « La performance totale » de notre invité et les réflexions d'Étroit sur les indicateurs de richesse, si vous êtes passé à côté des chemins de la transition pour en finir avec ce vieux monde, ouvrage collectif coordonné entre autres par Dominique Méda et Thomas Coutreau, membre du conseil scientifique d'Attaque, ouvrage collectif qu'on retrouve la signature d'Étroit précitée. Bref, si vous n'avez pas lu quelques historiens sur la croissance, si vous êtes un dur à lire et si vous manquez de temps pour tout lire, « Faut-il attendre la croissance ?» paru en juin 2016 à la Documentation française au prix de 7,90 €, ce livre est fait pour vous. Mais quand même, Florence, pourquoi ce titre « Faut-il attendre la croissance ?» Pourquoi cette interrogation ? Tous les bouquins que je viens de citer donnent la réponse, non ? Alors, c'est intéressant de commencer ainsi. D'abord, merci de m'inviter. Faut-il attendre la croissance ? À vrai dire, le titre n'a pas été quelque chose d'inventé par les deux auteurs, Dominique Méda et moi-même. C'est l'éditrice qui nous a suggéré, finalement, donc l'éditrice à la Documentation française, qui nous a suggéré de nous pencher sur la question sous l'angle de « Faut-il attendre la croissance ?» un petit peu comme « Faut-il attendre Godot hein, ?» d'une certaine manière, hein, avec cette idée qu'au fond, ça fait quand même plusieurs décennies qu'on est en période de croissance extrêmement faible. D'ailleurs, il faudrait peut-être d'abord définir ce que c'est, mais on y reviendra sans doute. On est dans une période de croissance quantitativement très faible, selon les indicateurs de la comptabilité nationale. Et en même temps, on a le sentiment que l'ensemble des politiques, et sans doute aussi d'une bonne partie des économistes, ont comme horizon un peu utopique que la croissance puisse revenir à des taux qui défieraient, enfin qui réjouiraient tout le monde autour de 3, 4, 5. Et donc la question se pose de savoir si elle est désirable et si elle est même envisageable. Oui. Justement à ce sujet, est-ce qu'on peut justement, qu'entend-on par ce terme de croissance ? Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus ? Oui, à vrai dire, la croissance est un terme que tout le monde, dont tout le monde pense savoir de quoi il se retourne et qui est quand même, quand on fait des débats et des discussions un peu, y compris un peu techniques autour de la terminologie du concept, on se rend compte qu'il y a quand même de la mésentente et de l'ambiguïté autour du terme. Alors, au fond, au départ, on peut coupler beaucoup la question de la croissance à celle de l'éducation. Un enfant va croître parce qu'il va grandir en quelque sorte et donc il y a quelque chose de l'ordre de positif derrière l'idée de croissance. À vrai dire, la croissance économique telle qu'elle est entendue, et sans faire un cours de manière trop didactique, c'est avant tout la croissance d'un indicateur bien particulier, la croissance du produit intérieur brut. Le fameux PIB. Le fameux PIB. Mais attention, il y a quelque chose de très important sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure, c'est que c'est la croissance du PIB en volume. C'est-à-dire que, au fond, l'idée générale qui préside à cet indicateur, c'est de dire, est-ce que dans un pays, sur une année donnée, on est en expansion en volume de ce que l'on produit ? Avec une ambiguïté autour du terme de volume, parce que volume signifie à la fois une expansion en quantité, mais aussi un tout petit peu, même si la statistique publique peine à la mesurer d'une manière, à mon avis, pertinente, des questions autour de la qualité. La croissance économique, je pense qu'on ne peut pas comprendre l'intérêt de nos sociétés d'avoir autant les yeux rivés sur elles si on ne remet pas ça un petit peu dans son contexte historique. Je ne vais pas, encore une fois, passer trop de temps, mais... La croissance économique, donc comme variation du produit intérieur brut en volume, a été est le pur fruit des systèmes de comptabilité nationale. Ces systèmes de comptabilité nationale ont été mis en place, pensés, inventés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour piloter les économies qui, pour deux raisons. D'abord, pour prévenir d'un certain nombre de crises. Franchement, de ce point de vue-là, ils ont assez échoué. Hein, puisqu'avec cette idée que finalement, dans la grande dépression de 1929, on avait une énorme crise qui était difficilement anticipable parce qu'on n'avait pas un certain nombre d'outils de pilotage et de signaux d'alerte qui nous permettaient de voir qu'on était en période de tension forte, en particulier en matière de production, mais pas seulement. Et donc, en mettant en place les systèmes de comptabilité nationale au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on l'a fait pour piloter les économies, pour prévenir des crises et surtout pour reconstruire les pays qui avaient été totalement détruits par deux grandes guerres. Et au fond, l'idée, c'était d'avoir un outil qui permettrait d'identifier dans quelle mesure les pays étaient en train de se reconstruire sur une base industrielle et sur une base marchande. Donc je dis souvent que la croissance économique, c'est un bon outil politique pour estimer dans quelle mesure le projet de reconstruction sur une base industrielle et sur une base marchande, est en bonne voie de résolution. Mmh. Évidemment, on est au XXIe siècle, 60 ans plus tard. Les enjeux, les défis sont plus les mêmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas toujours un peu de reconstruction industrielle, mais sans doute que les défis auxquels nous faisons face collectivement en tant que société ne sont plus tout à fait les mêmes. Et il nous semble, avec Dominique, moi et tous les auteurs qu'évidemment Christian a cités tout à l'heure, la croissance économique en tant qu'indicateur, avec ce qu'il mesure et ce qu'il ne mesure pas, n'est plus à même finalement de relever l'ensemble de ces défis. On reviendra sur peut-être d'autres indicateurs un peu plus tard, mais effectivement, vous contestez, enfin, beaucoup de monde attaque, évidemment, on conteste effectivement le concept de croissance et aussi peut-être on dira un mot sur le productivisme, mais en même temps, on s'accroche à ce thème-là. Les entreprises produisent de la valeur ajoutée est justement un agrégat cumulable, et donc il est simple, immédiat, et quand on veut faire simple et immédiat, on entend Donald Trump qui veut relancer la croissance dans son pays et avec quelques chances de succès en plus. Mais oui, mais au fond, si je suis persuadée que tu as vraiment lu de manière approfondie les ouvrages que tu as cités dans ton propos liminaire, et au fond, on est quand même très peu nombreux sont ceux qui disent que la croissance économique ou le PIB, qui n'est pas tout à fait la même chose, hein, ne sont pas du tout utiles. Ils ont une certaine forme d'utilité pour essayer de voir dans quelle mesure un pays accroît sa valeur ajoutée, comme tu le dis, avec toutes les conventions qui peuvent présider à la mesure de cette valeur ajoutée, surtout quand elle est mesurée en volume. Encore une fois, j'insiste, hein, c'est un point de mon point de vue assez essentiel. Mais en même temps, le problème, c'est qu'entre 1945 et aujourd'hui, la croissance économique, qui était un indicateur un peu de moyen, qui mesurait des choses, bon voilà, c'était un indicateur parmi d'autres, a vraiment basculé, est devenu une finalité. Et ce qu'on essaie d'expliquer avec Dominique Méda dans l'ouvrage, qui peut-être est une valeur ajoutée non monétaire de notre ouvrage, c'est qu'au fond, il nous semble qu'en théorie économique, il y a eu un basculement aussi au début des années 80 qui peut-être être un des signaux qui explique ce passage d'indicateur de moyen à indicateur de finalité. Et cette transformation dans le cadre des théories économiques, c'est le passage à la croissance endogène. Alors vous ne savez peut-être pas ce que ça veut dire la croissance endogène, mais je vous l'explique vraiment très facilement. C'est assez simple. En gros, c'est cette idée un peu miraculeuse qui est de dire que c'est dans la croissance qu'on trouve les ferments de la croissance. Et c'est finalement plus de croissance, provoque plus d'innovation et de progrès technique, qui provoque plus de croissance, qui provoque plus d'innovation, qui provoque plus de croissance. Vous pouvez comprendre ça. C'est-à-dire que le progrès technique lui-même est considéré comme un élément de la croissance. Comme généré par la croissance. Et donc, au fond, si on veut du progrès technique et donc de la croissance, il faut de la croissance. Et donc, je pense que ce cadrage théorique de la croissance endogène, qui est une innovation intellectuelle des années 70-80 au niveau anglo-saxon et en France, a sans doute aidé, je ne dis pas que c'est le seul élément, mais a sans doute aidé à ce que finalement, eh bien, un peu mécaniquement, on se dise, mais c'est quand même formidable, avec la croissance économique, on aura du progrès technique, et donc on peut même envisager une croissance un peu illimitée. J'ajoute deux éléments, si vous me permettez, que vous trouverez aussi dans le livre, c'est que je pense que la croissance économique repose aussi sur deux croyances. Là, on a un cadre théorique, croissance endogène, mais il y a aussi deux croyances. Vraiment. Et on ne peut pas l'énoncer autrement que par ce terme fort de croyance, parce que c'est une axiomatique, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout démontré. Il y a une croyance infinie des économistes dans le progrès technique. Et on ne peut pas comprendre cette obsession pour la croissance sans avoir en tête cette croyance pour le progrès technique, avec cette idée un peu implicite que peut-être qu'il y a des dégâts dans le système. Hein, mais qu'avec des innovations et du progrès technique, on va réparer, compenser ces dégâts. Hein. Et le deuxième élément, la deuxième croyance, c'est la croyance dans les effets de ruissellement. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. C'est cette fameuse idée selon laquelle c'est parce qu'on a de la croissance qu'on peut redistribuer, hein, que c'est le gâteau qui pourra être partagé. Ça, dans l'ouvrage de Gadret, c'est très très présent. Mais ça a été très formalisé par d'ailleurs ceux-là même qui pensent la croissance endogène. Je pense à Philippe Aguillon, et qui est vraiment un fervent défenseur de ce trickle-down effect, hein, comme disent les anglo-saxons, de cet effet ruissellement. Et ce qui est très intéressant, c'est que le terme n'est pas choisi de manière tout à fait hasardeuse. Effet de ruissellement, ça laisse entendre qu'il y aurait une sorte de loi physique, hein, selon laquelle il y a une attractivité terrestre, vous donnez beaucoup à ceux qui ont beaucoup, et puis d'une certaine manière ou d'une autre, tout le monde finira par récupérer les fruits de cette fameuse croissance. Une sorte d'effet cascade. Voilà, exactement, précisément, voilà, voilà. Oui, c'est un argument qu'on entend assez régulièrement, de dire que, en fait, il y a l'amélioration de la situation dans le monde, y compris dans tous les pays les plus pauvres qui existent. Alors, il y a aussi un élément qui est dans le livre aussi, la question, la croissance peut-elle être vertueuse, même si tu as un peu répondu déjà. Et on a parlé de la croissance verte, on a parlé aussi du découplage croissance économique, consommation d'énergie. Pour revenir un peu sur ce que tu dis, il y avait aussi l'idée que les problèmes de pénurie d'énergie, on va les compenser par du progrès technique, ça va venir, de toute façon, ne vous impatientiez pas, ça va venir. Voilà. Et donc, ces questions autour des croissances vertueuses ou pas. Et René, peut-être un plus. Oui. Peut-être aussi, est-ce qu'on pourrait marquer un peu la différence, par exemple, entre ce qu'on appelle la croissance, donc essentiellement quantitative, le développement et le bien-être. Sont et tout ça en 2 minutes 30, c'est ça? Alors, non. 3 minutes. Je vais commencer peut-être par l'idée de est-ce que la croissance peut être vertueuse? Bon, et évidemment, c'est souvent une question qui est posée, et elle est justement posée. Enfin, je veux dire, on voit qu'il y a un certain nombre de pays qui ont droit à une certaine forme de développement humain, donc, qui évidemment passe par un certain nombre de formes de croissance. Hein, et après tout, si on en est là où on en est en termes d'espérance de vie à la naissance, si on en est là où on en est en termes de scolarisation, d'éducation pour tous, avec toutes les inégalités quand même auxquelles on est confronté quand même, hein, il ne faut pas trop l'idéaliser, eh bien la croissance a nécessairement joué un jeu. Donc, évidemment, le propos que nous tenons dans le livre avec Dominique Méda sur « Faut-il attendre la croissance ?» est une question que nous voulons circonscrire d'abord et avant tout aux pays qui sont les plus riches et qui sont aussi les premiers pollueurs et les premiers provocateurs d'inégalités dans le monde. Hein. Et donc c'est de leur responsabilité de s'interroger sur justement la manière par laquelle on pourrait fabriquer collectivement un monde plus soutenable. Hein. Donc ça c'est mon premier point. Deuxième point, est-ce que la croissance verte peut résoudre l'ensemble de ces problèmes? Le problème de la croissance verte, c'est que d'abord refaire une finalité avec un indicateur me semble aussi inepte que d'avoir pris la croissance comme finalité. Donc ça sera le cas avec l'ensemble des autres indicateurs qu'on pourrait mettre en avant. Par ailleurs, je vais finir sur la croissance verte, mais par ailleurs, l'idée même de croissance verte, elle n'est pas dénuée d'ambiguïté. La croissance verte est utilisée par beaucoup de firmes multinationales pour énoncer le fait qu'elles développent de plus en plus d'activités pour exploiter, voire surexploiter, des éléments issus de la biodiversité. Hein. Oui. Donc ça, c'est déjà un élément qui peut être considéré comme de la croissance verte. Par ailleurs, les autres, celles et ceux qui essayent d'être sur une voie un peu plus soutenable et qui disent, bon, en gros, ce qu'on disait dans notre ouvrage avec Gadré dans les nouveaux indicateurs de richesse, mettons un catalyseur au PIB, hein, un petit catalyseur pour éviter que les émissions soient trop polluantes, eh bien, ça pouvait aussi être considéré comme de la croissance verte. Mais quand on regarde de près, vraiment en mettant les mains dans le cambouis de la manière par laquelle tous les PIB verts sont construits, ils reposent sur... une hypothèse extrêmement forte qui, à mon avis, doit être déconstruite, et c'est ce qu'on dit avec Dominique Méda, c'est qu'ils reposent tous sur l'hypothèse de ce qu'on appelle la soutenabilité faible. C'est-à-dire cette idée qu'au fond, bon, on peut quand même encore avoir de la croissance, mais que cette croissance, elle peut être compensée parce qu'on va essayer de régler un certain nombre de problèmes et que bon, voilà. Et donc, je pense qu'on n'est plus en état, étant donné les grands défis auxquels on fait face, dont un certain nombre d'auteurs scientifiques ont montré qu'on avait dépassé les capacités de renouvellement, enfin de réparation, enfin on a dépassé les, on est dans des formes d'irréversibilité en matière de changement climatique, on est dans des formes d'irréversibilité en matière de perte de la biodiversité, on est déjà entré au-delà de seuil de réversibilité en matière d'émissions de gaz, etc., etc. Et donc pour toutes ces raisons, on n'a plus le choix d'être sur une forme de soutenabilité faible, en fait. C'est un peu ça qu'on dit dans notre bouquin. Et qu'il nous faut donc être sur des formes de soutenabilité fortes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est en décroissance. Ne me mettez pas sur ce sujet-là. Je n'ai pas d'avis sur la décroissance. À vrai dire, je n'en ai même aucun. Mais en revanche, je pense qu'on doit avoir les yeux rivés sur bien d'autres choses plurielles que sur l'idée qu'on va être en expansion en volume. Et on doit avoir les yeux rivés sur quoi ? Bah, sur la baisse radicale définitive des émissions de gaz à effet de serre, dont tous les économistes et les scientifiques disent qu'on ne peut pas être en réduction radicale d'émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire pas des réductions relatives, mais des réductions nettes, absolues, sans perte de croissance. Donc la question qui se pose à nous, c'est est-ce qu'on va faire le choix ensemble d'une société post-croissance ou est-ce qu'on va obliger la décroissance à s'imposer à nous ? Voilà, ça m'étonnerait que tu n'aies pas d'avis sur la décroissance particulièrement, mais enfin bon, supposons. Redé aussi. Justement, à propos de la croissance verte, c'est qu'elle suppose aussi une marchandisation de biens encore gratuits actuellement. Vous avez raison si on retient l'un des deux volets dont j'ai dit qu'il y avait ambiguïté. C'est-à-dire que si on retient l'idée que retiennent parfois des firmes multinationales qui disent « mais nous, on a une activité verte » parce que justement, ils viennent marchandiser l'eau, ils viennent marchandiser un certain nombre de biens, publics mondiaux, en quelque sorte. Hein. Voilà. Bah, et ils vont se labelliser avec l'étiquette « croissance verte hein, ». On pourrait, bon, voilà, ça c'est un mais premier point. S'approprier un bien commun, un bien encore exactement, gratuit. Exactement. Donc dans ce cas-là, évidemment, c'est une sorte de subversion de l'idée même de croissance verte. Et je pense qu'il y a quand même une partie de celles et ceux qui défendent l'idée de croissance verte qui ne sont pas dans cette subversion, je veux dire capitaliste, qui sont dans l'idée au contraire qu'on sera en croissance verte si on arrive à développer davantage les énergies renouvelables, si on arrive davantage, voilà. Évidemment, par exemple, il y a des travaux à l'ADEME et ailleurs qui essayent de calculer le nombre d'emplois qui sont des emplois verts. Mais on voit toute l'ambiguïté du terme. Est-ce que ceux qui nettoient les grandes catastrophes écologiques sont des emplois verts. Enfin, voilà, ce sont des vraies questions, en fait. Hein, voilà. Bien, alors, on va donc, après l'échange sur la croissance, on va essayer de parler de post-croissance, puisque tu as un peu annoncé le mot. Donc, si ça devient une nécessité, René a déjà posé la question, on parlerait plutôt de développement, alors. Et il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'être un peu optimistes. On peut citer les circuits courts, les ventes directes, les AMAP, le retour des biens communs, pour reprendre le titre du bouquin de Benjamin Coriat, enfin, dont il a dirigé les travaux. Le développement d'énergies décarbonées, tout ça porte vers et porteur de réflexion sur une post-croissance, je suppose. Oui, tout à fait. Alors, je vais reprendre le début de ton propos sur est-ce que la croissance est faisable et est-ce qu'elle est désirable, en fait, hein, et sinon, faut-il nous mettre dans une société post-croissance ? Ce qu'on développe dans le bouquin avec Dominique Méda, c'est un certain nombre de travaux d'économistes qui sont d'ailleurs pas du tout des économistes nécessairement hétérodoxes et qui, pour un certain nombre d'entre eux, notamment aux États-Unis, se repenchent sur cette question de ce qu'on appelle la secular stagnation, hein, en anglais. C'est cette idée de stagnation séculaire à laquelle avaient déjà réfléchi des tas de penseurs du XVIIIe siècle, de l'économie politique. Hein. On cite dans notre ouvrage en particulier Malthus, Ricardo et surtout John Stuart Mill, qui lui en faisait un projet désirable déjà, hein, et qui a été ensuite suivi par toute l'écologie politique, hein, notamment de George Sen Rugu. Et donc, il me semble que des auteurs se repenchent sur cette question aujourd'hui, c'est bien que les défis auxquels on est confronté sont d'un autre ordre. Et je vais prendre par exemple les idées que met en avant un économiste qui s'appelle Robert Gordon. Robert Gordon, il dit on va faire face à 6 vents contraires. Robert Gordon, c'est pas un hérétique, hein, l'américain. Et il dit on va faire face à 6 vents contraires. Et je pense que je suis assez d'accord avec la plupart des éléments qu'il met en avant. Par exemple, il dit franchement, en matière d'éducation, on va faire face à une sorte de plafond dans l'efficacité de l'éducation, parce que nos populations sont déjà de plus en plus éduquées. Et donc, c'est pas par là qu'on va pouvoir avoir des gains de croissance. Il dit aussi, on est déjà entièrement mondialisé. Comment voulez-vous qu'on fasse davantage de gains de croissance par rapport à la division du travail que ce qu'on a fait jusqu'ici ? On peut, jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé de populations à surexploiter sur Mars ou dans d'autres galaxies. Et donc, on est un peu au bout. Ça veut pas dire qu'on n'a pas encore des gisements qui sont possibles ici ou là, mais on est sans doute au bout quand même d'un système et il va falloir sans doute trouver ailleurs les éléments de gisement de croissance. Il pense même qu'on va plus les trouver, donc il évoque comme ça 6 vents contraires. Par ailleurs, donc, il nous semble, pour d'autres raisons, ce qu'on explique dans le bouquin, que cette croissance, franchement, elle doit plus être désirable, parce que d'autres montrent, notamment les travaux de Gadret, de ce point de vue-là, sont quand même assez éclairants, les travaux de Gadret et d'autres, évidemment, mais montrent que dans les pays développés, encore une fois, je voudrais bien qu'on distingue les deux, dans les pays, en tout cas les plus riches, je ne sais pas si c'est les plus développés, mais les plus riches, eh bien, c'est sans doute aujourd'hui la croissance qui crée le plus de dégâts, ce qui est vraiment un renversement de l'argumentaire. Hein. C'est-à-dire que c'est plus... la croissance ne compte pas tout, mais c'est la croissance devient un petit peu la cause d'un certain nombre des maux, et en particulier le mal écologique et sans doute aussi le mal social. On peut dire que depuis déjà de nombreuses années, même les inconvénients ont pris le pas sur les avantages, entre guillemets. En tout cas, il n'y a plus de corrélation entre croissance économique et un certain nombre d'éléments du bien-être, pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, d'éléments du bien-être sur lesquels il faudrait qu'on se penche. Bien-être collectif, capacité à vivre ensemble, je ne vous fais pas de développement là-dessus, mais franchement, quelle est notre capacité à vivre ensemble aujourd'hui notre capacité collective à résoudre un certain nombre des grands défis écologiques qui se posent à nous. On n'est pas en capacité de le faire aujourd'hui avec des petits moyens qui seront 0,5 ou un point de croissance. Il nous faut donc changer de paradigme, et changer de paradigme, celui que nous proposons, c'est celui de passer à une société post-croissance. Hein. C'est, évidemment, ça reste un mot valise et je pense que ce n'est pas à nous non plus toutes seules, Dominique et moi, d'énoncer l'ensemble des éléments qu'il y aura dans cette société post-croissance. Il nous faut aussi reconstruire un projet désirable. Avec tout ce que ça comporte derrière. Donc je pense aussi qu'il faut renouer avec des éléments de démocratie participative pour que ce projet de société désirable, ça ne soit pas un projet qui soit énoncé par les experts. Cela étant dit, on énonce quand même un certain nombre de points, parmi lesquels, évidemment, dans une société post-croissance, il faudra nécessairement radicalement partager le travail. Parce que on est obligé de reconstruire différemment le rapport activité-emploi. Et donc, il faudra drastiquement partager le travail et sans doute être un peu plus collectivement aux manettes de toutes les activités qui sont les plus pénibles, par exemple. Oui, alors effectivement, partager le travail. Donc, en premier rang des dégâts de la croissance, 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, enfin, c'est déjà assez significatif sans en dire beaucoup. Et pourtant, on a de la croissance. Et pourtant, on a de la croissance. Faible, mais de la croissance. Et donc, on attend plus, mais non, justement, il ne faut plus attendre plus. Alors, non, Dominique Méda, non, Florence, vous n'êtes pas tout seul. À Attaque, on est aussi sur ce terrain-là. Et on essaie d'y travailler. Alors, ce qui est intéressant, justement, sur l'emploi, moi, j'ai relevé page 161. quelque chose qui me semblait vraiment très intéressant sur, je le cite, l'enjeu est de montrer comment le traitement de la crise climatique peut au contraire constituer une opportunité extraordinaire d'avancer sur les questions d'emploi et de travail, ainsi que sur celles des inégalités. Est-ce que tu peux un peu dire un peu plus que ça? Ben oui, en fait, souvent les économistes, ils envisagent ces questions des défis sociaux et écologiques uniquement sous l'angle du champ d'opportunités financières. C'est-à-dire qu'on vient, fabriquer des assurances. Voilà, ça a été très bien montré, par exemple, dans les travaux de Coy Choyan sur la question écologique, dans La nature est un champ de bataille, ou dans d'autres travaux sur la financiarisation du social. Par exemple, j'ai une doctorante qui travaille sur ces questions. Voilà, vous pourrez l'inviter un jour, c'est quand même drôlement intéressant. Mais évidemment, nous, on essaye d'avoir un projet qui n'est pas simplement un constat de la capacité du capitalisme à retrouver des champs d'opportunité dans tous les grands défis qui se posent à nous, mais de se dire comment reconstruire un projet désirable. Et là, on a quand même de plus en plus des travaux qui montrent que, au fond, on peut très bien avec la croissance telle qu'elle est mesurée aujourd'hui, hein, c'est-à-dire, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais la croissance telle qu'elle est mesurée aujourd'hui, on peut très bien, sans avoir de croissance en volume, créer beaucoup d'emplois dans des activités qui seront des activités sur lesquelles on peut considérer qu'elles seront sur une finalité de post-croissance. Des activités de care, hein, comme on dit parfois, des activités de soins aux enfants. Alors évidemment, pas dans une forme de domesticité renouvelée. Hein, des soins aux enfants, soins aux personnes âgées, franchement, c'est l'un des grands défis, le défi du vieillissement. Et là, on n'invente rien pour l'instant. Hein, on est en train de tout rafistoler avec des bouts de ficelle, en créant des conditions de plus grandes de pénibilité pour celles qui sont aux manettes de ce type d'activité. Donc dans les activités de care, il y a des perspectives d'emploi et d'activité qui sont énormes si évidemment on organise le financement sur une autre base que celui qui est fait actuellement. Mais aussi, évidemment, des emplois pour, dans des perspectives de circuits courts alimentaires, par exemple. Hein, on avait fait un travail qui montrait que quand même, si on relocalisait les activités agricoles, si on les relocalisait sur une base aussi d'activités moins intensives en chimie, mais plus intensives en travail, on était en capacité de créer des centaines et pourquoi pas des milliers d'emplois. Et mis bout à bout, hein, je sais que l'ADEME avait travaillé là-dessus, sur les capacités vraiment d'une société post-croissance à construire des emplois, à créer de nouveaux emplois, mais aussi Gadré a travaillé là-dessus, et puis Dominique un petit peu. C'est-à-dire, finalement, une société post-croissance avec une plus grande intensification en bien durable, hein, durable au sens qui soit pas jetable, en bien plus soutenable en matière écologique, et en bien pour lequel il y a plus de sens dans les relations entre les individus, franchement, on est en capacité de créer des emplois. Je ne dis pas qu'on réglera tous les problèmes du chômage, c'est pour ça qu'il faut que ça s'accompagne d'une réduction drastique et sérieuse du temps de travail, pour tous, pas sur une base individuelle comme le temps partiel aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on partage le travail de deux manières. Hein. Il y en a qui sont au travail, il y en a qui sont au chômage, et la deuxième, et donc c'est une manière très imposée de partager le travail, et la deuxième manière, c'est de faire reposer sur les femmes toute la flexibilité du temps de travail, en les mettant plutôt à temps partiel dans un certain nombre d'activités. Et donc évidemment, nous, on souhaiterait dans cette société post-croissance que ce soit un choix, et un choix collectif, y compris des hommes, hein, de se mettre à temps de travail réduit. Le message est passé. Oui, alors donc, il y a aussi le scénario Négawatt qui... J'ai oublié de l'évoquer, c'est vrai. Bah, oui, alors on dit un mot quand même du scénario... Bah, écoute, dans le scénario Négawatt, effectivement, le passage finalement aux énergies renouvelables, je n'ai pas évoqué cette perspective, j'ai vu ça sous l'angle de l'agriculture, oui. Les circuits courts relocalisés, mais toutes les perspectives de désintensification d'une part de production et de consommation d'énergie, plus l'utilisation d'énergies renouvelables dans les scénarios Négawatt montrent qu'il y a des perspectives d'emploi tout à fait non négligeables. D'ailleurs, les scénarios de comptabilisation d'emplois dans l'agriculture relocalisée s'appuient sur le scénario négawatt envisagé sous l'angle de l'agriculture. Donc voilà. Oui, effectivement, c'est fort important. Puis après, il y a l'abandon du nucléaire, enfin, qui peut être aussi, qui est aussi un élément fort de négawatt. René. Oui, justement, est-ce qu'une société post-croissance ne devrait pas aussi remettre en avant ce qu'on appelle les biens communs plutôt que la propriété privée lucrative. C'est un point sur lequel, en tout cas dans l'ouvrage, on s'appesantit insuffisamment, ça c'est vrai. C'est un petit peu, ce sont les conditions institutionnelles et organisationnelles d'une société où on n'est plus dans l'appât du gain personnel. Parce qu'évidemment, si on se met en société post-croissance, et ça rejoint le propos liminaire de Christian, si on se met collectivement dans une société post-croissance, évidemment, ça nécessite aussi de revoir la logique d'organisation des entreprises qui repose pour l'instant sur une société en expansion. Les entreprises ont tout intérêt à augmenter leur chiffre d'affaires, leur valeur ajoutée, etc. Et donc, c'est très antinomique avec la logique économique d'ensemble du système. Et donc, il faut du coup, pour un certain nombre de communs, sans doute revoir les conditions de l'appropriation et de la propriété privée. Ça, c'est certain. C'est certain. Ça nous emmène donc très, très loin, possiblement. En effet, je pense que là le moment est peut-être venu de réfléchir au passage, à la transition de la société de croissance à une société post-croissance. Et on a plusieurs hypothèses. On peut imaginer, parce que je viens de terminer le dernier ouvrage d'Attaque, donc par ici la sortie, avec vous terminez avec la même conclusion, ça ne peut se faire qu'avec un mouvement populaire, international, etc., qui, pour le coup, n'existe pas aujourd'hui. Et donc, on se posait la question, et puis on a travaillé effectivement ensemble avec Ludovic et Louis aussi à la préparation de cette émission, hein. On se posait la question, pour finir, est-ce qu'il ne faut pas envisager un État un peu plus fort qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, dans une situation où le néolibéralisme a fait de l'État un épouvantail qu'il faut absolument éviter? Est-ce qu'on ne doit pas passer, disons le mot, à une écologie punitive parce que ce ne sera pas facilement accepté? Ou à l'inverse, est-ce que le cigare... Non, pas à l'inverse d'ailleurs... le scénario négawatt qui prévoit de retenir comme besoin des besoins authentiques, vitaux, et non plus des besoins superficiels, peut-être, etc. Tout ça, est-ce qu'on peut vraiment s'émanciper de l'idéologie de la croissance, pour revenir toujours à ce terme qui nous obsède? Est-ce qu'on peut ne pas revenir autrement que par une société un peu plus autodirigée, quoi, autocratique? Tout est dans ta question en quelque sorte, parce que cet imaginaire d'un État dirigiste, étant donné la nature de l'État néolibéral aujourd'hui, franchement, il fait plus très envie. Hein, et il s'est bien dénaturé de lui-même. Je veux dire, ce sont les démocraties qui ont dénaturé l'État. Je veux dire, ça, c'est pas une superstructure au-dessus des États qui a dénaturé l'État. C'est bien en son sein qu'on a trouvé. Bon, on pourrait réfléchir là-dessus sur les raisons qui l'ont transformé autant, mais c'est quand même au sein des sociétés qu'on a trouver les moyens de pouvoir le transformer dans son identité. Et donc moi j'ai quand même ce sentiment que je ne suis pas aussi nostalgique, d'une forme d'État qui planificateur qui le sera autant que celui qu'on a pu avoir au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. En revanche, il me semble qu'il faut réfléchir davantage aux alliances à passer entre des espaces d'État qui sont encore avec lesquels on peut encore travailler et puis la société civile organisée, des parties de l'économie sociale et solidaire qui pour certaines envisagent déjà des sorties de la croissance dans leurs activités quotidiennes, les circuits courts alimentaires, certaines formes de finances solidaires. Enfin bon, il y a quand même tout ce qu'on appelle l'économie solidaire plutôt que l'ESS dans son ensemble qui est quand même sur... Voilà. Et puis, de toute façon, tu as raison. Il me semble qu'on ne peut s'engager dans des formes de post-croissance. En fait, on y est quand même déjà un petit peu. Simplement, elle nous est imposée de facto. Mais on ne peut s'engager dans des formes de post-croissance désirables que si il y a des mouvements sociaux qui l'accompagnent, hein, pour essayer de sortir de cette espèce d'impasse, de cet en attendant Godot dans lequel on est quand même empêtré avec une incapacité collective à recréer un imaginaire désirable, en fait. En fait, pour moi, c'est ça le plus incroyable, quoi. C'est qu'on n'a jamais été aussi éduqués, aussi formés, aussi intelligents collectivement, et on est incapable de nous extirper de quelque chose qui est finalement l'un des mots auxquels on reste très, très accrochés, en fait. Oui, et puis il y a aussi quand même... alors c'est la période en ce moment, mais on considère qu'à peu près un électeur sur deux ne se déplace pas. Ça fait aussi partie d'une difficulté à mobiliser. Alors dans ceux qui ne se déplacent pas, il y a ceux qui ont renoncé de toute façon à espérer quoi que ce soit de la politique aujourd'hui et qui sont vraiment ailleurs par rapport... et qui sont peut-être justement dans ces circuits courts, qui sont en train de penser une autre société... ça semble être possible. Ils sont possible. En train même de la fabriquer. Oui, d'une certaine façon, oui, on fabrique de l'avenir, pour le pendant de la fabrique de l'histoire à France Culture. Donc, j'ai oublié ma question. C'était sur cette question de la post-croissance. Est-ce que le fait que le système électoral lui-même n'est pas un obstacle au fait, parce que ce que nous disons sur la post-croissance, c'est que on pense, Négawatt pense 2050, le GIEC pense 2050-2100. Hein. Est-ce qu'il est raisonnable de penser aujourd'hui, avec des renouvellements politiques tous les 5 ans, de dire que un gouvernement va proposer quelque chose pour 50 ans, plus tout à fait 50 ans, puisqu'on est en 2017, mais pour 2050, quoi. Bon, avant les quinquennats, on avait des septennats. Oui. Et on avait quand même une possibilité, au moment du début de la Ve République en tout cas, possibilité de penser des grands plans et de la planification qui allaient bien au-delà du court terme dans lequel on est empêtré. Il faudra avoir une analyse plus construite que celle que je peux avoir aujourd'hui, des raisons pour lesquelles on est empêtré dans un court-termisme qui est antinomique avec les grands enjeux auxquels on doit faire face, ça c'est sûr. Mais c'est des enjeux écologiques, mais c'est aussi des enjeux sociaux. Je pense qu'on n'a pas fini, pour répondre aussi à ta question sur la démocratie, on n'a pas fini d'avoir les contre-coups de la secousse, des écarts d'inégalité dans lesquels on s'est organisé, quoi. Enfin, les travaux de Piketty sur les inégalités patrimoniales l'ont montré. Et je pense qu'on a eu trop les yeux rivés sur les inégalités de revenus qui sont des inégalités conjoncturelles, tandis que les inégalités de patrimoine, elles sont des choses qui s'accumulent et qui finissent par faire aussi des sociétés d'héritiers et qui tiennent aussi qui tiennent un petit peu les manettes de l'ensemble de ceux qui nous gouvernent. Donc bon, voilà, sur la question de la démocratie, c'est une question très compliquée, j'ai pas toutes les réponses, mais je pourrais terminer en disant que moi je crois quand même beaucoup à des formes de démocratie locale qui peuvent s'expérimenter, des formes de démocratie délibérative qui viendrait se compléter à la démocratie un petit peu sanctuarisée qui est celle de l'élection de la présidence telle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, on peut aussi inventer une sixième république dans laquelle voilà l'organisation de l'ensemble des corps soit réexaminée, et on y remettrait au premier rang, je pense, les corps intermédiaires dont certains voulaient se débarrasser, mais moi je pense au contraire qu'ils doivent avoir une force renouvelée, parce qu'on ne fera pas des mouvements sociaux simplement avec des individus. Hein. On fera aussi du mouvement social avec des corps intermédiaires. Je pense qu'ATTAC en est un bon, mais il y en existe d'autres. Certainement. Alors, on va terminer sur une question plus à l'interne chez les économistes. L'idée, c'est que... Quel débat dans les universités aujourd'hui sur ces questions-là? Tu m'avais dit il y a quelque temps, c'était pas facile effectivement d'avoir la parole parmi les économistes et donc les universitaires, en fait. Et on a toujours des gens qui défendent la croissance, on a toujours voilà. Et chez les hétérodoxes, est-ce que c'est un débat qui est important? Alors à l'ADEP, la FEP, pardon, l'Association française pour l'économie politique, est-ce que ces débats sont à l'ordre du jour? Est-ce que voilà? Question d'économiste. Oui, c'est une vraie question, et c'est une question très délicate et compliquée, parce que Nous, l'ouvrage qu'on a rédigé avec Dominique Méda est d'abord un ouvrage de conviction. On y fait aussi un travail de synthèse sur des travaux qu'on a pu nous-mêmes mener ou que des collègues ont mené ou que des grandes figures internationales américaines ont pu mener sur ces questions. Et on a été assez surprise de voir que la question se renouvelait aux États-Unis, mais aussi se renouvelait avec des acteurs très néoclassiques, voire libéraux dans la pensée. Je pense à Larry Summers qui continue de se poser une question qui me hante moi aussi, c'est comment fait-on pour être dans une société où on n'a jamais fait tant d'innovation et on est aussi peu de gains de productivité. C'est une vraie question, c'est un vrai paradoxe que soutenait déjà Solow dans les années 80 et qui continue de se poser à nous. On n'a toujours pas la réponse. Donc voilà. Mais donc le problème, il est que la question de la post-croissance, c'est une question très très peu portée par les économistes, qui est très antinomique et qui ne peut pas et dont on ne peut pas dire qu'elle clive les économistes entre orthodoxes et hétérodoxes. Parmi les hétérodoxes et les hérétiques au sens de Keynes, hein, les hétérodoxes, c'est ceux qui réenchâssent l'économie à l'intérieur de l'ensemble des sciences sociales. Vous avez une partie qui a mis la croissance sous ses radars, c'est-à-dire qui s'intéresse pas du tout à la question macroéconomique. Et parmi ceux qui sont hétérodoxes macroéconomistes, ils sont souvent très keynésiens, hein, ou mieux encore, de mon point de vue, post-keynésien. Mais chez les post-keynésiens, on commence à voir quelques travaux qui essaient de réfléchir à une société post-keynésienne sans croissance, mais c'est quand même très, très antinomique, parce qu'on sait quand même à quel point la croissance est un petit peu l'un des moteurs, c'est pas le seul, mais l'un des moteurs d'un système post-keynésien. Ok, une dernière question, René, non? Non? Ah bon, alors je continue. Donc sur cet aspect-là, effectivement, je voulais te poser la question. Je pense qu'on va s'arrêter ici. On va te remercier pour cette participation. Ben, merci à tous les deux. On est vraiment ravis de t'avoir accueilli. Et puis, on ne peut pas ne pas conseiller ce bouquin qu'on s'est payé tous, évidemment, dans l'équipe, pour un travail de didactique important. Hein. D'ailleurs, c'est une caractéristique de vous deux, d'ailleurs, Dominique et à toi, je pense. Je trouve toujours beaucoup d'explications claires sur ce qui est fait. Voilà, on va Merci te laisser Merci à vous. Partir à ton rendez-vous. Au plaisir. À bientôt. À bientôt. C'était La Marchandaise, hein, extrait du clip de campagne officiel d'Alessandro Di Giuseppe, qu'il a intitulé Game of Thrones, hein, donc vous pouvez le voir sur YouTube. Et donc, les actualités d'attaque. Oui, alors, eh bien d'abord au plan national, la campagne rendait l'argent contre l'opacité fiscale des multinationales. La campagne a démarré de manière spectaculaire. Lundi 13 mars, à 8h30, 30 militants et militantes d'Attaque ont symboliquement opacifié les vitrines d'Apple Store à Saint-Germain-des-Prés. Cette action est la première d'une série qui seront menées partout en France dès le samedi 1er avril, notamment dans le cadre de la Semaine mondiale d'action contre les paradis fiscaux, intitulée hashtag UntaxedEvents. Excusez mon anglais. Pour que les multinationales rendent l'argent et payent enfin leur juste part d'impôts. Attaque France publiera bientôt un rapport « Rendez l'argent » pour démontrer qu'il est possible et urgent de récupérer près de 200 milliards d'euros par an. À commencer par les impôts qui ne sont pas payés et qui ont fui à l'étranger. Et puis, on a toujours, ben tiens, dans le même esprit, l'histoire des faucheurs de chaises, René. Oui, alors cette fois, un second procès. Il s'agit cette fois de Florent Compin, président des Amis de la Terre France, poursuivi par BNP Paribas pour avoir participé à une réquisition citoyenne de chaises dans une agence de la banque en novembre 2015. Le procès aura lieu le 11 avril 2017 à Bar-le-Duc. En réponse, un collectif d'organisations, dont Attaque France bien sûr, appelle à une nouvelle vague de mobilisation non violente pour mettre BNP Paribas sur le banc des accusés. Un communiqué « Nous accusons » vient de paraître sur le site d'Attaque France, rappelant le rôle de la banque dans l'organisation de l'évasion fiscale, l'aggravation de la crise climatique et l'atteinte aux droits des populations autochtones. Le revenu d'existence universel, un état des lieux. Le revenu universel, encore appelé revenu de base, revenu d'existence, etc., refaisant surface à l'occasion de la campagne électorale, Attaque France a réalisé une étude, en somme, sur ce sujet, pour permettre de mieux comprendre les enjeux. Sont abordés les aspects philosophiques, politiques et économiques, les différentes propositions et leur financement possible, ainsi que les arguments favorables aux revenus d'existence et ceux qui en montrent les limites et les incohérences. Et également, une synthèse des projets de société sous-jacents aux différentes options proposées, qui amène à une conclusion sur les ruptures nécessaires avec le système actuel. Le document est disponible et téléchargeable sur le site d'Attaque France. Oui, alors le revenu d'existence universelle, en gros, Attaque n'y est pas trop favorable, il faut quand même le dire, mais c'est un débat à l'intérieur des économistes d'Attaque. Vous pouvez retrouver sur, comme René le dit, sur Attaque, sur le site d'Attaque France, en particulier donc dans la revue Les Possibles. Voilà, merci René. On a déjà aussi Jean Gadret qui a calculé le coût à autour de 383 milliards pour le revenu d'existence universel. Le point suivant sur la démocratie. Oui, donc donner un sens au vote blanc. C'est une proposition du comité local Attaque de Dieppe qui nous a été transmise par une militante d'Attaque Lille qui participe, elle, à la commission démocratie d'Attaque nationale. Faire du vote blanc non pas l'affaire d'un individu seul avec sa conscience dans un isoloir, mais la promesse d'une action collective en s'engageant dans une campagne d'éducation populaire qui donne un sens au vote blanc, avec un argumentaire et une référence à un article du Monde du 15 décembre 2016 sur le pessimisme, la défiance et la révolte de la jeunesse envers la politique, les institutions et les médias. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de dire il faut voter blanc, hein. Il s'agit de réfléchir ce que peut être un vote blanc et à quoi ça peut servir. À ma connaissance, seul pays où il y a, c'est curieux d'ailleurs que ce soit lui, où ça s'était pratiqué, c'était la Pologne, où effectivement une élection a été mise en cause, puisqu'il n'y avait pas le nombre d'électeurs suffisant. C'est déjà arrivé en France pour les élections cantonales, avec un nombre ridicule de votants. Je pense que ce n'est pas du vote blanc d'ailleurs, c'est plutôt de l'abstention. Mais le vote blanc, effectivement, c'est une question dans un pays où il y a si peu d'électeurs, où un électeur sur deux se déplace, comme je le disais tout à l'heure. Oui, voilà. Donc maintenant, nous passons au plan local. Alors, la campagne « Rendez l'argent » et la mobilisation contre BNP Paribas sera déclinée au plan local par les comités locaux Attaque de la métropole. Donc ça prendra la forme d'un safari fiscal qui devrait avoir lieu à Tourcoing le samedi 1er avril au matin. L'objectif est de dénoncer les banques et entreprises qui participent à l'évasion fiscale sous la forme d'une visite guidée. Un tract ou livret devrait être distribué aux passants. Ce devrait être également l'occasion de mettre la pression sur BNP Paribas suite à sa plainte contre Florent Compin, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le CETA, le collectif Stop TAFTA de la métropole lilloise, poursuit ses actions contre la ratification nationale du CETA, qui pourrait avoir lieu dès la rentrée parlementaire en juillet-août. Alors, diffusion de tracts, bien sûr, interpellation des candidats aux législatives et la pétition nationale demandée à François Hollande de remettre un terme aux, de mettre un terme, pardon, aux accords transatlantiques. Alors, et donc, à propos d'accords transatlantiques. Vas-y. Oui, alors à propos de la démocratie locale, donc mêle et démocratie, attaque-t-il. Au-delà de son action en faveur de la gratuité des transports en commun, le comité local de Lille s'est penché sur le fonctionnement de la démocratie au sein de la mêle. Attaque-Lille a proposé aux associations de l'AMRES une réunion pour en débattre. Elle se tiendra lundi 20 mars à l'AMRES. D'autre part, une conférence débat avec Fabien Desage, co-auteur avec David Guéranger de La politique confisquée, est prévue le mardi 5 avril. Christian, je pense que tu nous en diras plus en fin d'émission. Oui, oui, en effet. Après, le calendrier. Oui, donc calendrier militant. Donc dimanche à Paris, marche pour la justice et la dignité contre la brutalité des forces de l'ordre. Une brutalité qui prend plusieurs formes, des techniques de pliage qui conduisent à l'asphyxie des victimes ou aux coups de poing, de balles ou de taser, dans les pires des cas qui s'avèrent mortels. Régulièrement, depuis plus de 40 ans, c'est l'impunité la plus abjecte et les campagnes de criminalisation qui répondent aux mobilisations de celles et ceux qui réclament vérité et justice pour leur mort. L'acharnement policier, judiciaire et politique contre la famille Traoré, à qui nous exprimons toute notre solidarité, en est la preuve. À chaque fois, c'est la même histoire. Donc, il y a un départ groupé qui est à Lille qui est prévu. Donc, vous pouvez voir sur la page de rendez-vous de Démosphère pour vous y inscrire. Ou alors, rendez-vous directement place de la Nation à Paris, dimanche à 14h. Le 25 mars, c'est la journée mondiale contre la surpublicité. À cette occasion, des actions et sensibilisations ont lieu la semaine prochaine sur Lille. En prélude, café débat sur la place de la publicité dans nos rues et dans nos vies, organisé par Résistance à l'agression publicitaire. Donc, ça sera le mardi 21 mars à 18h au café Le Polder, le café des initiatives citoyennes et solidaires, ALM, 250 rue Roger Salengro. Au programme, de quoi nous fait-on la publicité aujourd'hui ? Est-on libre de recevoir ou non des messages publicitaires ? Un autre modèle est-il possible et souhaitable demain ? Donc, ça sera suivi d'une action le jeudi 23 mars pour l'extinction d'enseignes lumineuses. Rendez-vous à 21h devant le Café Citoyen de Lille. Vendredi 24, une surprise est réservée aux nouveaux écrans publicitaires qui sont en train de pousser un peu partout dans la métropole. Et le samedi 25, dans la journée, recouvrement de publicité dans toute la métropole. Et le soir, projection de courts-métrages et débats autour de la publicité dans notre société, son influence et comment s'en passer. Heure et lieu à venir pour samedi, restez en contact via Démosphère. Rencontre-conférence à l'AMRES organisée par les Amis du Monde Diplomatique autour du livre Le Concert des Puissants. Ça sera le mercredi 22 mars à 20h avec les auteurs François Denord, sociologue, spécialiste des élites et du néolibéralisme, Paul Lagneau-Imonet, sociologue travaillant sur le pouvoir économique. Au cœur du livre, la question « Comment se peut-il que la structure du pouvoir tienne malgré tout, y compris le discrédit et parfois même la nullité de ceux qui l'exercent ?» Pour mener l'enquête, les auteurs ont mobilisé des matériaux issus de sources variées, annuaires biographiques et registres mondains, littérature grise et rapports officiels, archives, mémoires et données statistiques, entretiens et ou discussions informelles. Ils montrent que le pouvoir est avant tout le produit d'un arrangement institutionnel dans lequel l'ordre économique prime tous les autres. Projection du documentaire d'Antoine Costa, Les Dépossédés, au CCL de Lille, le mardi 21 mars à 19h. Le capitalisme a véritablement créé des richesses. Il a su en trouver là où on n'en voyait pas, ou plutôt il a créé de la valeur là où on n'en voyait pas que de la richesse. En monétarisant la nature ou en donnant une valeur à chaque chose, un prix à la biodiversité, il achève dans un même mouvement de la saccager en la protégeant. À l'époque de l'Anthropocène et de la sixième extinction des espèces, la compensation biodiversité pourrait bien constituer l'ultime fuite en avant du nihilisme marchand. Conférence à la MESHS, 2 rue des Canyonniers à Lille, le mardi 28 mars 2000, à 14h, avec comme thème les communs, nouveaux modes d'action collective, point d'interrogation. L'action collective, telle qu'elle se développe dans de nombreux contextes actuels, semble adopter explicitement ou implicitement cette voie de la mise en commun. Qu'en est-il vraiment? Que faut-il en penser au moment où de nouvelles formes de pratiques sociales s'expérimentent, exprimées en termes d'innovation sociale, d'alternatives ou même de transition socio-politique? En intervenant, Christian Mathieu, sociologue, Maëa Dereva, contributrice au commun et à la Peer-to-Peer Foundation, Simon Sarrazin, membre du collectif Catalyst, d'Unisson et de la Couroutine, et Stéphanie Boss, coordinatrice de l'association Interphase. Donc à toi. Oui, un mot quand même sur cette conférence du MSHS, là où c'est Christian Mailleux, donc, qui est porteur, un des porteurs de ce projet, travaille depuis quelques années d'ailleurs avec Benjamin Coria, que nous avons reçu ici et qui a coordonné l'ouvrage fort important, à mes yeux, de Le retour des communs. Bien. Une annonce sérieuse pour terminer. Voilà. Vous êtes de celles et ceux qui contestent la constitution de la Ve République, nous aussi. Vous êtes de celles et ceux qui militent pour une meilleure prise en compte des besoins des gens en général et des idées des citoyens, nous aussi. Vous avez participé à la décision de construire un grand stade dans la métropole lilloise, nous non plus. Vous avez participé à la décision de construire une piscine sur la friche Saint-Saul. Nous non plus. Vous avez participé à la décision d'installer des portiques à 830 000 euros la station pour lutter contre la fraude dans le métro. Nous non plus, mais ça nous questionne. On y voit une absence de débat d'idées, un déni de démocratie. Et c'est plutôt comme ça que fonctionnent les intercommunalités. Et la métropole européenne de Lille, ex-LMCU, Lille Métropole Communauté Urbaine, particulièrement. À Attaque, nous réfléchissons depuis quelque temps à la façon de contrer cette dérive et de redonner aux citoyens un peu plus de pouvoir sur les décisions, un peu plus de volontarisme politique, un peu plus de choix idéologiques alternatifs. S'il faut encore le dire, le mode de fonctionnement de la métropole européenne de Lille ne nous convient pas. Et c'est sûr, il ne convient pas non plus à plein d'associations lilloises métropolitaine en général. Le collectif Eau est un bon exemple de résistance et de proposition depuis 5 ans. Et René fait partie depuis 5 ans de ce collectif Eau. Il a oublié de dire un mot tout à l'heure, mais pour dire qu'il est bien vivant ce collectif Eau et qu'il travaille sur les conditions d'acquisition des pompages, des usines de pompage. Et également sur l'égalité de traitement des usagers en matière de tarification. Voilà, fin de la parenthèse, retour. en ce moment, c'est sur la politique de transport de la Melle que nous aurions à demander des comptes. Au moment où la communauté urbaine de Dunkerque, tenez-vous bien, prévoit l'accès libre au transport public pour 2018, sachant que pour l'instant, l'accès libre, la gratuité si vous préférez, et c'est pour le week-end et les jours de pic de pollution, pendant ce temps-là, à ce moment-là, la MEL n'a d'autre urgence que de lutter contre la fraude et les petits fraudeurs dans le métro. Les travaux de deux chercheurs nous avaient déjà convaincus. La politique confisquée, c'est le titre du bouquin de David Guéranger et de Fabien Desage, qui montre comment les maires, M-A-I-R-E-S, et leurs experts ont confisqué la politique. C'est un livre qui est paru aux éditions du Croquant en 2011. Alors on fait quoi maintenant ? Dans la métropole. Eh bien, on va réfléchir à une suite. Attaque vous propose une conférence débat avec Fabien Desage, maître de conférence en sociologie politique à Lille 2, sur le thème « Pourquoi il faut repolitiser le débat local ?» Sans point d'interrogation, il faut repolitiser le débat local. Ce sera le mercredi 5 avril à 19h à la Bresse, 23 rue Gosselet. On essaiera, à partir de ce jour-là, de démarrer quelque chose. Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato ed ho trovato l'invaso. Ho partito.